Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante, jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Aujourd'hui, Israël prend une nouvelle direction. Cette semaine, la fin du rêve sioniste. Nous croyons que chaque citoyen d'Israël, profil et revers de Bibi, pourquoi criez-vous après la presse? Après tout, non. En compagnie de Jean-Pierre Filiu. En suivant Netanyahou, on comprend ce qu'Israël est devenu aujourd'hui et éventuellement ce qu'Israël pourrait être sans Netanyahou, tant sa personnalité a influencé au cours des dernières années l'État d'Israël et le mouvement sioniste en général. Troisième journée en compagnie de Jean-Pierre Filiu que nous recevons cette semaine. Pour son dernier ouvrage, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, c'est un ouvrage que je vous recommande chaudement. Il est paru aux éditions La Découverte. Il s'avère d'autant plus intéressant que vous aurez l'illustration, si j'ose dire, par l'image et notamment par l'archive, grâce au documentaire diffusé dans la case Histoire vivante dimanche soir sur RTS2, documentaire intitulé King Bibi. Bibi, il s'agit bien de Netanyahou, dont nous parlons cette semaine. Et vous aurez l'occasion de voir qu'entre l'ouvrage de Jean-Pierre Filiu et le documentaire King Bibi, les cousinages sont absolument flagrants et rendent l'exercice d'autant plus passionnant. Et j'ajouterai légitime. Aujourd'hui, il va être question de paysage politique. Pour le faire un petit peu dans des grandes lignes, on peut dire que le paysage politique en Israël, pendant une assez longue période, est monochrome. Il y a certes deux partis, mais le déséquilibre des plateaux de la balance est tel que on peut considérer que ce n'est pas du tout du bipartisme. Il y a un grand parti d'un côté, et puis à côté, ou en face, ou opposé, un autre parti qui rame, plus déjà sans doute des petits partis. Et puis, il va y avoir évolution dans l'histoire d'Israël, avec une première surprise qui arrivera, mais tout de même assez tardivement, puisque nous nous trouvons en 1977. Rappelons pour les plus amnésiques que Israël, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, son apparition, son émergence, sa naissance. On l'a fêté d'ailleurs l'année dernière. Alors, comment d'abord, peut-être Jean-Pierre Filiu, pouvons-nous arriver à comprendre ce déséquilibre des plateaux? A-t-il une résonance historique? Que raconte-t-il? Qu'est-ce que c'est que cet étrange renversement qui s'opère en 1977 avec l'élection d'un binocleux, Menahem Begin? Racontez-nous ça. Alors d'abord, souvenons-nous que lors de sa fondation en 1948, Israël est dirigé par les personnalités qui auparavant étaient aux commandes de ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire l'établissement juif en Palestine, qui était très majoritairement travailliste. Et donc ils vont d'une certaine façon juste changer de titre, parfois ils occupent les mêmes bureaux, mais ils vont devenir chef du gouvernement, ministre, patron du syndicat, chef de l'armée, alors qu'avant ils avaient des fonctions équivalentes au sein du proto-État sioniste en Palestine. Et puis on a l'institution de la Knesset. Israël est une démocratie parlementaire, une Knesset, donc un parlement de 120 membres, élu à la proportionnelle intégrale sur une circonscription unique correspondant à l'État d'Israël. C'est, du point de vue des modes de scrutin, le plus démocratique du monde, vu que c'est vraiment une personne, un vote. Il n'y a aucune distinction entre les différents Israéliens là-dessus. C'était lié aux conditions de la guerre, lors de la première élection, c'est-à-dire qu'on ne pouvait absolument pas diviser le pays en circonscriptions, donc on a considéré que c'était unique. Donc on a un parti dominant qui va être en plus le parti qui assure l'intégration au fil des années suivantes de centaines de milliers d'immigrants. Donc un parti dominant dans un État-providence à vocation socialisante, mais aussi un parti qui répartit les clientèles, les privilèges, les positions, donc qui va aussi inscrire sa durée dans cette position hégémonique. Et puis on a deux basculements. On a d'abord le fait que l'immigration européenne va assez vite se tarir. L'immigration américaine, nord-américaine n'a jamais été très importante. Et que l'immigration majoritaire en Israël va provenir du monde arabe, où elle va être d'ailleurs accélérée, soit par le mouvement sioniste, par exemple au Yémen, qui organise la migration collective de la population juive locale, soit par les crises en Égypte, les indépendances au Maghreb, qui vont faire qu'une partie de la population juive locale, donc les séfarades ou les mizrahim, les orientaux, vont rejoindre Israël. Et là, il y a un vrai clash culturel entre la hiérarchie travailliste d'origine européenne, donc ashkénaze, et cette immigration désormais majoritairement séfarade. Et puis on a, en 1967, la victoire extraordinaire de la guerre des six jours, qui fait qu'Israël non seulement défait tous ses voisins, mais se retrouve à occuper un territoire immense, la péninsule égyptienne du Sinaï, le plateau syrien du Golan, mais surtout Jérusalem-Est et la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et là, soudain, le projet politique, social d'un sionisme de type travailliste va se teinter d'un messianisme religieux. C'est d'une certaine façon l'accomplissement des prophéties pour une grande partie du judaïsme orthodoxe. Et c'est le début, sous les travaillistes, de la colonisation des territoires palestiniens occupés. Et donc ces deux phénomènes vont au fond dégrader le modèle travailliste. Et puis, il y a comme toujours en histoire, il y a l'anecdotique, l'événementiel, et cet événementiel, il prend aujourd'hui une dimension tout à fait importante, vu que c'est Yitzhak Rabin qui est Premier ministre, et on découvre que sa femme détiendrait un compte en dollars, avec 10 000 dollars sur ce compte, 10 000 dollars acquis tout à fait légalement, mais en revanche, ce compte aux États-Unis contrevient à la législation d'échange israélienne qui, à l'époque, donc travailliste, elle est très socialisante, elle est très rigide. Et donc, Rabin va démissionner pour éviter le scandale, hein, avant l'ouverture de l'enquête. Et c'est cette démission, donc dans des conditions un peu glorieuse, qui va permettre à Menahem Begin, donc l'ancien chef de l'Irgun, le chef du parti révisionniste et désormais de ce qu'on appelle le Likoud, qui va accéder au pouvoir en 1977. C'est effectivement un basculement historique. Mais accidentel. Comme toujours, dans les basculements historiques, il y a la part de l'accidentel, et puis on se rend compte que ce qu'on croyait être un épiphénomène, eh bien, devient structurel. On pourra d'ailleurs en parler pour les prochaines élections israéliennes. Et de fait, les travaillistes ne s'en remettront jamais. C'est-à-dire que les travaillistes ne vont revenir effectivement au pouvoir que pendant une courte période, de 1992 à 1996, Yitzhak Rabin jusqu'à son assassinat en 1995, puis Shimon Peres, et leur retour au pouvoir est intimement lié à l'époque, non pas aux questions sociales, non pas aux questions politiques, mais au processus de paix avec les Palestiniens. Et donc depuis 1977, on a ce grand retour du refoulé révisionniste, et évidemment, pour la famille Netanyahou, pour Ben-Zion et pour Benjamin, qui portent tous deux le deuil de leur de Jonathan, qui est mort l'année précédente, c'est aussi l'amorce d'une nouvelle ère. La revanche est possible, le retour aux affaires est possible. Les bolcheviques, comme ils les appellent, peuvent être défaits. Et là, on est, en fait, dans le début de Netanyahou le politique. Voici le grand vainqueur des élections israéliennes, le petit Menahem Begin, président du Likoud, la plus importante des quatre formations de la droite israélienne. C'est lui qui va former le nouveau gouvernement après s'être battu pendant 29 ans, 29 ans au cours desquels la vie politique israélienne était conduite par les travaillistes. Dès qu'il a appris sa victoire, M. Begin a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Partisan du Grand Israël, de l'annexion systématique, de la territoire de Kouvani, En 1977, nous le disions, c'est l'élection de Menahem Begin, une élection somme toute surprise dans des conditions que vous nous avez rappelées, Jean-Pierre Filiu, mais qui sont également l'amorce, peut-être me contredirez-vous sur ce point, mais je n'ai pas assez creusé, d'un paysage politique et d'élections qui vont systématiquement être placées sous le signe des coalitions. Des coalitions dont on sent, en tout cas au départ, qu'elles sont quelque peu bricolées, mais elles le sont aussi peut-être dans la continuité. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider à mieux lire et mieux comprendre ce paysage-là qui paraît, de loin en tout cas, particulièrement embrouillé? Donc effectivement, il y a une fragmentation des partis qui est liée à cet aspect très démocratique du mode de scrutin. Et donc du coup, on va imposer progressivement des seuils pour l'entrée à la Knesset. D'abord 1%, mais aujourd'hui on est à 3,25% pour justement éviter qu'on ait des partis qui n'aient qu'un ou deux... Un parti par individu. Voilà, des 120 députés à la Knesset. Et puis, il y a une logique qui est plus difficilement compréhensible vu de l'extérieur, qui est une logique de parti, d'apparatchik, de machine politique, qui fait au fond que le pouvoir... certes réside dans l'électorat qui vote à la Knesset, mais il est très largement lié à l'établissement des listes, donc au fait que les machines politiques décident qui est premier, qui est deuxième, qui est deuxième, et donc décident qui va être élu ou qui a une chance d'être élu. Et donc il y a une mutation fondamentale qui va intervenir dans le système politique israélien, et Netanyahou va y prendre toute sa part à la fin des années 80, et c'est une forme d'américanisation, c'est un système de primaires, interne aux grands partis, parti travailliste, Likoud, pour justement désigner par le vote interne et non plus par l'arbitraire des apparatchiks les compositions de listes. Et cette évolution déjà très importante va s'accompagner en 1992 du vote d'une loi sur l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct, alors qu'auparavant, et c'est de nouveau le cas aujourd'hui, c'était le chef du parti arrivé en tête, ou celui qui était capable de former une coalition, qui était appelé par le président de l'État d'Israël pour former le futur de gouvernement. Donc ce sont littéralement des facteurs d'américanisation. Et Netanyahou, qui a été pendant un moment diplomate, il va être numéro 2 à l'ambassade à Washington en 1982, défendre l'invasion du Liban par Israël, y compris pendant les massacres de Sabra et Shatila, puis il va être promu très jeune, il est trentenaire, ambassadeur auprès des Nations Unies, où il va ferrailler au nom de la lutte contre le terrorisme, dans une enceinte qui est pour le moins réservé envers les thèses israéliennes. Et en 1988, il revient en Israël, on lui propose la direction de l'agence juive, il choisit d'intégrer le Likoud et de participer aux compétitions internes. Et en 1992, il est le seul député du Likoud qui va voter en faveur de l'élection du Premier ministre au suffrage universel. Son vote est décisif, mais il a senti que c'était son destin et qu'effectivement une campagne à l'américaine avec d'abord primaire au sein d'un parti, puis élection au suffrage universel du chef du gouvernement, ne peut que servir ses propres ambitions politiques. Jean-Pierre Filiu, restons encore un moment, si vous le voulez bien, sur le paysage politique. Quand on parle d'extrême droite en Israël, on a l'impression d'être dans un paradoxe absolu. Est-ce qu'on peut arriver à définir un peu plus ce qu'on appelle l'extrême droite israélienne? À partir de quand, historiquement, va-t-elle commencer à émerger et à s'implanter, à s'installer durablement dans les votes, dans les choix électifs? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer là-dessus? Donc, l'extrême droite, il faut en distinguer deux grandes familles. Il y a d'abord l'extrême droite annexionniste, c'est-à-dire celle qui soutient les colons dans ce qu'elle appelle la Judée et la Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie occupée depuis 1967, et qui considère que non seulement ces colons sont légitimes, il n'y a pas que l'extrême droite qui pense cela, loin de là, mais que en plus l'annexion doit aller jusqu'au bout, que la Judée et la Samarie doivent être intégrées à Israël et que les Arabes en subiront toutes les conséquences et qu'il est hors de question de leur accorder les droits qui sont réservés à la minorité arabe d'Israël qui constitue 20% de la population de l'État d'Israël. Mais en quoi ceci, cela se revendique-t-il d'extrême droite ou est-ce que leur choix les amène à être qualifiés d'extrémistes de droite? Il se trouve que leur positionnement dans l'échiquier politique israélien va de soi par rapport à un Likoud qui officiellement ne prône pas l'annexion. On ferait mieux de dire plus annexionniste que le Likoud, autrement dit. Le Likoud n'est pas annexionniste. Oui. Le Likoud se satisfait d'un statu quo où de fait l'absorption rampante d'une partie de la Cisjordanie se poursuit, où on a des faits accomplis sur le terrain qui sont constitués pour être irrémédiables, mais sans poser la question justement de l'annexion. Il y a eu un territoire annexé, c'est le plateau syrien du Golan. Il a été annexé en 1981 avec une très large majorité à la Knesset qui allait bien au-delà du Likoud et de l'extrême droite. Donc il y a l'extrême droite proprement annexionniste, et puis la recoupant, mais pas forcément, il y a l'extrême droite raciste, celle qui considère que les Arabes, y compris en Israël, ne peuvent pas avoir les mêmes droits que les Juifs. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le mouvement Kach, donc le rabbin Meir Kahan, qui était député à la Knesset, il avait été élu. Il faut savoir que dans les années 80, autre temps, autre mœurs, quand il parlait, les autres membres de la Knesset sortaient pour ne pas cautionner les horreurs qu'il proférait. Lui-même a été assassiné à New York par un activiste arabe et son mouvement a été interdit en 1994 après qu'un de ses militants ait provoqué un bain de sang à Hébron et compromis le processus de paix qui va être rétabli justement du fait de cette interdiction par Rabin avec la partie palestinienne. Alors il faut savoir que cette extrême droite raciste, Netanyahou vient d'une certaine façon de la blanchir en autorisant l'intégration de la formation qui la représente, qui s'appelle aujourd'hui Force juive, à un parti d'extrême droite annexionniste, le Foyer juif, qui est parti de la coalition de Netanyahou. Bon, le journal Le Monde considère qu'il s'agit d'une tâche indélébile sur le parcours de Netanyahou et une illustration très sombre, je le cite encore, de son cynisme en politique. Donc cette extrême droite raciste qui était invalidée par le système politique et par la classe politique israélienne depuis 30 ans est en train, par Netanyahou, de faire son retour dans la scène politique. On va essayer avec vous, Jean-Pierre Filiu, de comprendre comment, à partir d'un paysage morcelé qui contient des extrêmes droites, comme vous nous l'avez indiqué, un éventail politique qui va jusqu'à une gauche peut-être radicale. Celle-là, on la connaît quand même relativement moins, puis on connaît bien le Parti travailliste, on connaît moins les partis qui peuvent se trouver largement à la gauche, l'extrême gauche du Parti travailliste. Encore faut-il probablement être relativement prudent sur les termes, puisque parler d'extrême gauche ou d'extrême droite, ce sont des réflexes qui sont avant tout européens, mais qui ne sont pas forcément bien adaptés à la singularité du paysage politique en Israël. Il est certain que du temps de l'hégémonie travailliste, prospérer des marges à la gauche du Parti travailliste, donc autour de ce qu'on appelait le MAPAM, qui va ensuite donner le Meretz, donc un parti à la gauche de la gauche, hein, c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui en France, où on a de plus en plus de mal à parler d'extrême gauche, donc on dit à la gauche de la gauche. Parce que c'est très au centre maintenant l'extrême gauche. Et puis il y a la spécificité israélienne de ce qu'on appelle les partis arabes. Alors les partis arabes, c'est toute une histoire. D'abord parce que une partie des partis arabes n'est pas seulement arabe. Elle est constituée justement autour historiquement du parti communiste, qui était un parti binational, qui est le seul parti arabe qui avait approuvé le plan de partition alors que tous les Arabes s'y opposaient. Bon, une des raisons de l'approbation de ce plan de partition était que Staline y avait donné sa bénédiction. Et donc c'est un parti explicitement binational, et peu à peu ont émergé des formations qui, elles, sont explicitement arabes, avec soit le nom arabe dans leur titre, soit des intitulés arabes pour leur formation, et qui donc recrutent essentiellement dans ces 20%, je rappelle, hein, 20% de la population israélienne qui sont arabes, et cela peut représenter une force importante à la Knesset. Sur les derniers scrutins, 10 ou 12 députés, donc sur 120 députés, c'est une force d'appoint importante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toute l'argumentation de Netanyahou est de dire qu'aucune alternative ne peut exister à son propre gouvernement sans une participation arabe qui, selon lui, est définitivement disqualifiante, hein, pour un projet sioniste. Revenons à ce que vous nous disiez un peu plus tôt, Jean-Pierre Filly, dans cet entretien. On est frappé du fait que, effectivement, les travaillistes vont tenir le haut du pavé en Israël jusqu'au moment de ce virage, dans les raisons, dans les conditions, dans lesquelles, les circonstances plutôt, dans lesquelles elles se sont déroulées telles que vous nous les avez rappelées. Et puis, une absence après, quasi permanente et flagrante, en tout cas, une sorte d'incapacité à revenir aux affaires. Qu'est-ce que c'est que ce délitement-là ? Est-ce que, sur le plan international, on peut aussi dire qu'il s'inscrit dans un moment où l'État-providence, l'internel socialiste, tout ceci s'effondre ou s'effrite petit à petit, et au fond, le socialisme israélien, lui aussi, est sur une pente glissante, auquel s'ajoutent effectivement les facteurs circonstanciels d'Israël et de ses voisins, et la question palestinienne, et que ce cocktail-là est à lui seul la réponse sur l'incapacité au Parti travailliste à revenir au pouvoir. Ou bien y a-t-il une problématique de personnalité qui n'arrive pas, d'une certaine manière, à incarner et à représenter un relais possible? Donc, il y a un peu de tout cela. Il y a un peu de tout ça. J'aurais pas dû mettre des hauts. Donc, il y a effectivement la crise de l'État-providence, avec une crise économique très sévère en Israël, où les grands éléphants blancs du socialisme travailliste vont succomber les uns après les autres, dans le cadre d'une politique, d'ailleurs, de privatisation. Et puis, il y a le tournant international, la révolution conservatrice aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, mais aux États-Unis c'est très important, parce que Reagan est totalement identifié à ce moment-là au Likoud, il gouverne au même moment, et dans le cadre d'une nouvelle guerre froide, et c'est là où on retrouve Netanyahou, qui va quasiment fournir la grammaire de ce discours de nouvelle guerre froide, où pour Ronald Reagan, eh bien, la Syrie, l'OLP, les régimes arabes, ce sont des pions de l'Union soviétique, alors qu'Israël serait la base avancée des États-Unis. Et puis, il y a la paix avec l'Égypte. Les travaillistes ont gagné beaucoup de guerres, ils n'ont jamais été capables de signer un accord de paix, ils n'ont jamais signé que des accords d'armistice. Le Likoud de Begin, et Begin s'avère un redoutable négociateur à Camp David, signe un traité de paix avec le principal pays arabe en 1979, neutralisant ainsi la principale armée arabe, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de menace existentielle de la part des Arabes contre l'État d'Israël. Il pourra y avoir des menaces ponctuelles très graves, mais sans l'Égypte, aucune guerre ne peut être gagnée contre Israël. Oui, parce qu'on connaît bien, disons qu'on s'est beaucoup intéressé à la pression que Sadat et aux avantages que Sadat pouvait voir du côté égyptien. On connaît moins la part active de Begin dans le processus. Elle est donc très importante. Begin joue admirablement ses cartes face à Sadat et à Carter, qui donc les accueille pendant 13 jours de négociations continues, coupées du monde, hein, pas de portable, hein, pas d'internet, rien de tout cela pour aboutir à cet accord de paix. Parce qu'au fond, Begin obtient l'essentiel, c'est-à-dire qu'il enterre le volet palestinien du processus de paix et il neutralise l'armée égyptienne en contrepartie du retrait du Sinaï sur lequel il n'y a jamais eu aucune revendication historique d'Israël. Et puis, de la part des travaillistes, il y a une compromission. Il y a ce qu'on appelle les gouvernements d'union nationale, où on alterne à la tête du gouvernement entre travaillistes et likoudniks, comme si, au fond, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, pour se discréditer, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et le paradoxe, qui n'est peut-être pas assez souligné, c'est que ce sont les Palestiniens qui ramènent les travaillistes au pouvoir. C'est l'intifada palestinienne, donc ce mouvement non-violent de résistance dans les territoires occupés depuis 1967, qui est mené par la jeunesse, qui ne supporte plus à Gaza et en Cisjordanie cette occupation. Elle a souvent grandi à l'ombre des soldats israéliens. Et c'est ce mouvement qui suscite une vague de fond à l'intérieur d'Israël parce qu'il est il n'est pas armé et que du coup il pose la question de la coexistence de deux peuples sur la terre historique de Palestine. Et donc c'est cette vague de fond qui ramène les travaillistes au pouvoir autour d'une figure très rassurante qui est celle de Rabin, dont je rappelle qu'il était Premier ministre déjà 15 ans plus tôt. Et que général qui a gagné toutes les guerres d'Israël, héros de toutes les batailles d'Israël, on ne peut pas trouver un meilleur monsieur sécurité, comme on dit le plus souvent. Et ce monsieur sécurité, très intelligemment, comprend qu'il n'y a pas de victoire militaire possible avec les Palestiniens et qu'il faut donc aller à la paix. La dernière soirée du Premier ministre israélien a commencé par un message d'espoir. La grande place des rois à Tel Aviv est bondée. 100 000 Israéliens sont là pour défendre la paix. Ils espèrent ainsi répondre aux violences des ultranationalistes. Yitzhak Rabin, confiant, prend la parole. « J'ai toujours su que la majorité était pour la paix, dit-il, et votre présence ici prouve à quel point cette aspiration est profonde. » Quelques minutes plus tard, derniers adieux, le Premier ministre, souriant, se dirige vers sa voiture. C'est là que tout bascule hors du regard des caméras. Un jeune Israélien s'approche, il est à quelques mètres de la tribune, sort son pistolet 9 mm et tire 3 balles sur Yitzhak Rabin qui s'écroule. Aussitôt, des policiers surgissent et plaquent le jeune extrémiste juif contre un mur pour le neutraliser. Ils l'emmènent au commissariat. Yigal Amir, 27 ans, étudiant, ne tardera pas à passer aux aveux. « J'ai agi seul sur les ordres de Dieu, dira-t-il, et je ne regrette rien. » Pendant ce temps, Yitzhak Rabin, atteint au dos et à l'estomac, est transporté à l'hôpital de Tel Aviv, où il décède une heure plus tard sur la table d'opération. Jean-Pierre Filiu, on se retrouvera demain pour poursuivre ces chapitres et cet entretien autour de votre ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». C'est paru aux éditions La Découverte. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais enfin, je le fais déjà à mi-parcours. On vous remercie beaucoup d'être là, présent